Il a payé le prix. Puis il paye encore le prix, Bessette. C'est un raffinement. Ils m'ont cassé les pieds toute la journée, les chiens. Hein. J'ai été enragé toute la journée. Hein. Bon, en fait, je suis pas venu à la conférence. Toute la journée, j'ai été enragé. Pour des niaiseries, parce que moi, c'est prendre des niaiseries pour me faire sauter. Niaiseries. Fait qu'ils travaillent, puis ils travaillent, puis ils travaillent. Je vous le dis, l'homme, le fils de la lumière, ne sera pas heureux sur la terre. Il sera bien dans sa peau. Fait que de temps en temps, il tourne un petit peu. Mais au moins, c'est de temps en temps. C'est plus des grosses patentes. De temps en temps, là, il t'accroche. De temps en temps. Mais tu souffres plus dans l'esprit de ton intelligence. Tu souffres même dans la vibration. C'est la vibration. La maudite vibration. Tu souffres vibratoirement, tu souffres plus psychologiquement. Puis il y en a parmi vous autres qui souffrent vibratoirement, qui ne souffrent pas psychologiquement. Pas avec moi. Là, parmi nous autres. C'est même vibratoire, pas psychologique. Fait que quand tu souffres plus psychologiquement, c'est parce que tu n'es plus sous l'emprise de l'esprit de ton intelligence. Alors, ce qui se passe dans votre tête, checkez les bains. Puis réalisez que ça sert. C'est pas parce qu'ils vous disent Bernard, c'est un chien que ça sert pas, au contraire. Si vous disiez Bernard, il est bien fin, Bernard, il est bien ici, avec vos émotions, vous seriez comme Damias. Fait que c'est bien subtil, l'esprit de l'intelligence. Les gens qui sont suffisamment dans un esprit d'intelligence élevé vont me percevoir d'une façon objective. Il n'y aura pas d'émotion, là, puis toute la niaiserie. Mais les gens qui ne sont pas encore dans cette intelligence-là, qui n'ont pas suffisamment de discernement, c'est bon qu'ils se fassent ce petit travail-là à eux autres. Qu'ils leur cassent les pieds. Qu'ils tirent. Parce que ça les désengage émotivement de ma personne. Ça les rend autonomes. Il faut que l'homme soit autonome. Fait que quand je tire un trait entre la différence entre l'esprit de l'intelligence et l'intelligence de l'esprit, je tire un trait très gras, mais aussi très subtil, très fin. Il est très gras parce que vous n'avez pas à vous occuper de l'intelligence. Elle est toujours là en vous, l'intelligence. Mais c'est l'intelligence de l'esprit qui la bloque. C'est pour ça que vous ne devez jamais vous occuper de fusion. Quand vous vous occupez de fusionner, puis d'être fusionné, puis très fusionné ou fissionné, si vous étiez fusionné aujourd'hui, vous seriez fissionné. Ça fait partie de l'intelligence de l'esprit supérieur en vous qui joue avec vos nerfs. Vous serez fusionné quand vous serez fusionné. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être fusionné, mais en attendant, si vous pensez qu'à être fusionné, mais vous allez complètement oublier vos carottes sur le poêle et votre steak qui brûle. Fusionné. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est un gars-là qui est dans le coin. C'est un gars-là qui est... D'ailleurs, parmi tous vous autres, parce que je peux le prendre comme représentation de ce que je veux dire, d'une façon pas mal précise. C'est l'homme le plus désengagé de tout ce que je peux avoir parlé depuis qu'on se connaît. Puis ce qui est le plus drôle, c'est un homme qui n'a jamais été intéressé dans toutes ces affaires de fusion, puis d'ésotérisme, puis d'occultisme, papapapapapa. Il travaille 5 jours par semaine, des fois 6 jours par semaine. Pour lui, il n'y a rien là. ce qui est le plus drôle, c'est qu'il est toujours avec nous autres. Il vient à toutes les conférences. Il est toujours là. Gisèle l'invite dans le Nord, il vient avec elle. Il est toujours là. Mais il est jamais là. Mais il est toujours là. C'est un homme qui ne souffre pas de lui-même. Et rares sont les êtres qui ne souffrent pas d'eux-mêmes. Rares sont les êtres qui ne souffrent pas d'eux-mêmes. Et ne m'en dis pas qu'est-ce que c'est la fusion, il ne sait pas. Ne m'en dis pas qu'est-ce que c'est les choses, puis les affaires, les patentes. Il ne sait pas. M'en dis qu'est-ce que c'est un marteau, puis un clou, puis une rampe d'escalier. Ça, il le sait, par exemple. C'est sa job. Ces hommes-là sont des êtres merveilleux. Ils sont merveilleux parce qu'ils ne sont pas affligés par l'esprit de leur intelligence. Il est dans l'esprit de son intelligence, mais il n'est pas affligé par l'esprit de son intelligence. Et quand on n'est pas affligé par l'esprit de notre intelligence, c'est parce qu'il y a, dans le passé de notre évolution, des événements qui ont concouru à ce que dans un avenir quelconque, nous ne soyons pas affligés par la loi du karma. La beauté de l'homme, la grandeur de l'homme, c'est pas nécessairement ce que vous autres, vous vous imaginez. Parce que moi, je sais bien qu'il y en a bien parmi vous autres qui vont dire, « Oui, pas jamais, il est-tu plate, Chris? Va ou pas? Il est pas parlable. » Tu lui dis, « Bonjour, comment ça va? » Il dit, « Bonjour. » Ça va bien. Il n'y a pas de conversation, ce gars-là. Il n'y en a pas de conversation, puis il n'a pas de besoin. Il est bien. Ça va loin. Des affaires. Ça veut pas dire que lui est de même. Lui est de même. Mais au moins, il est de même, puis il est bien d'être de même. C'est ça qui est beau de cet homme-là, parce qu'il est bien d'être de même. Il y en a, c'est déjà eux, l'autre, sa tapette hawaïenne, est bien d'être de même. C'est merveilleux qu'elle soit de même. Heureusement que ça se complémente. Lui qui parle pas, puis elle parle tout le temps. Sont tous les deux heureux. C'est ça la vie. Mais s'il faudrait qu'elle dise, voyons, tu parles jamais, puis lui dit, tu parles trop, ça serait le bordel à la maison. On doit se prendre pour ce que l'on est et vivre ce que l'on est et être bien dans ce que l'on est pour bien faire ce que l'on est. Tchin tchin. Mais on a de la difficulté à s'accepter comme on est. Pourquoi? Parce qu'on se fait constamment chier par l'esprit de l'intelligence. Il paraît que jamais un initié a parlé si mal que moi. Puis il paraît que jamais un initié a parlé si bien. En tout cas, c'est fun, hein? C'est le fun de parler. Mais c'est fatigant à rechercher. Si vous pouvez en venir à ce qu'on se rencontre et on se parle, là c'est parce que je parle, on ne peut pas se parler ensemble. Mais quand on fait des parties, qu'on se rencontre et qu'on s'amuse, on peut se parler. C'est le fun. Mais pour que ce soit le fun, il faut que vous arrêtiez de toujours rechercher quelque chose, Vous venez pour entendre quelque chose, parce que naturellement, je parle toujours. J'ai toujours quelque chose à mettre, du tout du pain sur la planche. Mais au moins, venez relax. Venez pour écouter. Venez pas pour rechercher. Cassez-vous pas la tête. Fait que l'affaire de l'esprit de l'intelligence, c'est bien subtil. Et l'homme, remarquez bien ça, l'homme a le pouvoir et le droit de suprématie sur l'esprit de son intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'homme a le pouvoir, mais il a le pouvoir seulement quand il est dans l'intelligence. De juger tout ce qui lui vient de l'esprit de l'intelligence. De le comprendre. D'après lui-même et non d'après l'esprit de l'intelligence. Si vous recevez de l'information de l'esprit d'intelligence et que vous n'êtes pas capable de savoir qu'il y a une condition à ça, si vous recevez de l'information de l'esprit d'intelligence et que vous ne pouvez pas voir peut-être le mensonge nécessaire qu'il y a là-dedans, vous allez vous faire prendre dans le mensonge. Si vous ne voyez pas la condition, vous allez prendre ce que vous recevez de l'esprit de l'intelligence comme du matériel véridique. Vous allez avoir une souffrance. C'est pour ça que je dis que l'homme doit être capable un jour de neutraliser, de juger, de voir parfaitement le jeu de l'esprit de son intelligence. À quelque niveau que soit cet esprit-là, autrement dit, à quelque niveau que ce soit, sa relation avec des esprits dans le monde, dans les mondes parallèles. Le but de l'esprit de l'intelligence, c'est de créer de la connaissance dans l'esprit de l'homme. C'est pour ça que l'homme a développé un ego et un intellect. Lorsque la fonction de l'intelligence pure, c'est de créer des formes nouvelles. Grosse différence. L'intelligence pure crée des formes nouvelles. Pourquoi est-ce qu'elle crée des formes nouvelles? Parce qu'elle détruit les formes anciennes. Tandis que l'esprit de l'intelligence, à quelque niveau que ce soit, comment que ce serait sous-mable? C'est les pleins de mer. Leur fonction, c'est de créer de la connaissance. Et la connaissance, c'est quoi? C'est la perpétuelle prison de la lumière de l'homme. La connaissance, c'est la prison dans laquelle la lumière de l'homme est emprisonnée. Un jour, vous comprendrez ça, et quand vous comprendrez ça, vous serez dans un air nouveau et dans une science nouvelle, et vous créerez une civilisation neuve et nouvelle, sans condition, sans passé, avec un avenir infini. La connaissance, c'est la prison de la lumière de l'intelligence. Fait qu'imaginez-vous que ceux qui sont intéressés à de la connaissance sont loin en maudit de la lumière de l'intelligence. Et c'est souffrant pour l'ego. Parce que l'ego, qui fait partie des lois de l'esprit de l'intelligence, qui est en relation avec des intelligences dans les mondes parallèles, ne prend conscience de sa valeur que par la quantité de connaissances qu'il possède. Fait qu'imagine-toi qu'on est assujetti, les hommes, à des conditions que seuls nous pouvons détruire, changer, totalement renverser, en invoquant, en vivant une révolution psychologique, interne, vibratoire, absolue et parfaite. C'est la sixième race. Aucun conditionnement. Aucune condition. Aucune connaissance. Et tant que l'homme vivra de la connaissance, qu'il vivra par la connaissance, il sera dans l'ignorance des lois de la connaissance. Et automatiquement, il sera piégé par l'esprit de l'intelligence. Il fera partie de l'esprit de l'intelligence. Il ne sera pas dans l'intelligence de l'esprit. Alors, vous savez qu'est-ce que c'est le tiraillement? Le tiraillement, ça fait partie des activités de l'intelligence de l'esprit pour vous amener à l'intelligence, pour vous écœurer assez que vous soyez capable un jour de prendre la hache et de détruire les formes créées par l'esprit d'intelligence pour libérer en vous une énergie qui construira votre canal, qui ouvrira votre mental supérieur et qui vous donnera accès à ce que vous êtes. Qui vous donnera accès à d'autres aspects de vous-même qui sont invisibles, qui vous donnera accès, finalement, à la conscience supramentale, qui est une suprématie sur la Terre. La conscience supramentale, c'est une suprématie sur la Terre, elle est une suprématie sur tous les globes, parce qu'elle est la manifestation sur ces globes de l'intelligence, c'est-à-dire des forces de vie qui contrôlent l'évolution et qui dirigent l'évolution. et contre laquelle aucune puissance ne peut œuvrer. Alors, il ne s'agit pas pour vous autres, je vous laisse en vous essayant de vous faire comprendre ce petit point. Il ne s'agit pas pour vous autres de vous occuper ce que vous allez être demain. Il ne s'agit pas pour vous autres de vous décourager que c'est long. C'est long, puis ça va être long, puis ça va être plus long. Ce qu'il s'agit pour vous autres, c'est de comprendre dans le présent votre relation avec l'esprit de l'intelligence, avec les esprits qui sont dans les mondes parallèles et qui vous aident à évoluer, mais qui ne sont pas arrivés à un niveau de perfection, de sorte que vous n'avez pas encore accès à une relation parfaite avec l'ajusteur de pensée qui vous donne une capacité de fusion. Mais au moins, ce sont des êtres qui vous aident, qui servent de in-between avec cet ajusteur de pensée, qui est beaucoup plus rigoureux que vous pouvez vous l'imaginer. Alors, vous n'avez pas à vous décourager. Le travail qui se fait sur vos corps, c'est normal, je vous l'ai dit quand je vous ai rencontré. Ça se fait, puis ça va se faire graduellement selon chacun de vous. Vous n'avez simplement qu'à comprendre, petit à petit, à travers ce que je vous dis, les mécanismes de votre propre intériorité, de votre propre intelligence. Et comme chaque jour suffit sa peine, ce train va loin, puis dans un certain temps, relativement court, un an et demi, les blocs sont retassés, vous commencez à vous sentir un petit peu mieux dans votre peau, vous avez été tout chambranlé, vous avez déjà oublié la souffrance que vous avez vécue avant, puis à ce moment-là, ben, vous commencez à vivre. Puis à ce moment-là, ben, l'ajustement de votre vie coïncide avec les événements mondiaux, puis dans le temps, ceux qui auront en vibration pourront comprendre la raison derrière toutes les choses qui leur sont arrivées. Faut qu'on relaxe, faut que l'homme relaxe, faut qu'on vive. Je comprends que tu peux pas vivre tellement quand le changement sur les corps se fait après un séminaire. C'est normal. Mais il s'agit pas de perdre l'honneur puis de se décourager. Si vous êtes capable d'en arriver à l'intérieur d'une période extrêmement courte, à une compréhension et à une sensibilité et à une perception de vous-même que vous n'auriez jamais pu atteindre au cours d'une vie, croyez-vous chanceux? Appréciez-les, vivez-les, puis arrêtez de vous déboussoler parce que l'esprit de votre intelligence vous déboussole. Envoyez-les chier. Comprenez-les, les games. Comprenez-les à la game. Comme ça, votre intelligence va grandir, puis un jour, quand je finirai, moi, quand je sortirai du réseau, du cirque, au moins vous n'aurez pas de l'aide des singes. Parce que tant qu'un support, ça marche. Mais un jour, vous allez être obligé de supporter votre propre état. On vous donne le matériel, on parle. On ne peut pas vivre très longtemps dans la confusion de l'esprit. Il y a un temps, on a plein de casse, la confusion de l'esprit. Quand tu as plein de casse, tu as plein de casse de la confusion de l'esprit, là, tu commences à avoir les idées pas mal nettes. Là, tu t'achètes des beaux chapeaux, comme ça. Tu es centrique, tu fais ce que tu veux, qu'il l'aime, qu'il l'aime pas, ça ne change rien. Mais ça revient à la même chose intérieurement. Tu penses ce que tu veux, que le monde n'aime pas, ça ne change rien. L'expression de son casse, c'est l'expression de l'esprit de son intelligence. Fait que si c'est dans l'esprit de son intelligence, elle porte bien son casse. Mais si elle n'est pas dans l'esprit de son intelligence, elle va questionner la réaction des gens vis-à-vis son casse. À ce moment-là, elle va être une femme malheureuse. Ils me font rire en haut, ils me disent « Heureux ceux qui sont capables de porter des casques comme ça et ne pas s'inquiéter si les autres aiment ça ou non. » Ils sont subtils, eux autres. Il y a un message là-dedans. Je devrais travailler pour Purelator, moi. Ah, Seigneur de bon Dieu. Je suis tanné de parler. Ok, là. Ça gare avec. Je commence à être fatigué, moi. Je suis pas fatigué, vous autres, mais je suis fatigué. En 82, je commence à diminuer. À la fin de 82. Début 83, je commence à diminuer. C'est pour ça, là, je suis. Tu dois en avoir pas mal de cassettes, là, Bessette, là, dans ta. Hein? Combien de temps là? 131 cassettes. Pendant qu'on est ensemble, là, j'ai divisé la province en régions. Puis dans certaines régions, il y a des gens qui sont offerts de demander à Maurice les cassettes. Puis de se rencontrer chez eux, puis de faire écouter ça. Là, ça s'en va à Sherbrooke bientôt. Les gens de Sherbrooke. Parce que les gens qui restent loin, peuvent pas, on manque beaucoup du matériel que je donne. Alors, les cassettes, ça, ces cassettes-là qui font partie de la mémoire et qui vous appartiennent, servez-vous-en de ces cassettes-là. Il y en a du matériel là-dedans. Servez-vous-en. Les gens de Sherbrooke, ceux qui viennent de Sherbrooke, auront l'occasion de les écouter, vous rencontrer, prendre un petit café. Puis ensuite, vous les retournez à Maurice, parce que je veux pas que les cassettes sortent sur le marché. Je veux pas que les cassettes soient doublées non plus. C'est la seule condition que je permette que ces cassettes-là sortent. Lui, c'est un vrai chien de garde. Après 84, vous ferez ce que vous voudrez avec les cassettes, avec toutes ces cassettes-là. Mais d'ici restant-là, je veux pas que ça sorte parce que je veux me donner la liberté de parler comme je parle quand je parle. Ça fait partie de mon travail. Fait qu'à ce moment-là, mais quand vous êtes chez vous ensemble, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je sais pas, vous pouvez écouter, en jaser, parler. Fait que ça permet à des gens qui sont loin de toujours être en communication, en relation avec ce qui est dit au cours de toute cette campagne électorale. Pensez pas en termes de temps, hein? Pensez jamais en termes de temps. Arrivez-en à plus vivre dans ce temps. Il y a des gens qui vivent dans l'attente, là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais-tu fusionner? M'as-tu pas fusionné? Quand est-ce que m'as fusionné? Quand est-ce que m'as été intelligent? T'sais. Vivez votre vie comme avant la rencontre. Ça vous crée des ennuis pour rien. Ça vous crée une tension pour rien. Faites dans votre vie. Puis avec ce que je vous dis, ça avance. Petit train va loin. Tout est graduel. Heureusement que tout est graduel. C'est tellement souffrant l'énergie, cette énergie de l'intelligence qui rentre là, puis qui transperce les couches de notre esprit. C'est tellement dur. Vous avez ça par petite dose. C'est pour ça que vous trouvez ça long. Je comprends que vous trouvez ça long. Mais vous êtes bien mieux de souffrir longuement que de souffrir tout d'un coup. Trop. Lentement. Vous êtes bien. Bien. Vous êtes chanceux. D'abord, c'est un travail vibratoire, c'est pas un travail philosophique, c'est pas un travail psychologique, c'est un travail vibratoire qui tue la philosophie et qui chambranle la psychologie. C'est vibratoire. Il y a des gens qui ont un certain talent. Il y a des gens qui viennent me voir des fois et qui me disent « Bon, j'aimerais ça traduire des cassettes. » Je ne m'oppose pas à ce que les gens traduisent mes cassettes. Je ne m'oppose pas. Seulement, je vais voir la traduction, puis je veux m'assurer que la vibration est bonne. Et si vous faites un travail de traduction qui n'est pas ajusté à une certaine vibration, à ce moment-là, on pourra prendre le même texte et le passer à une autre personne qui peut l'amener à une autre vibration. Parce qu'il y a du travail de base, souvent, qui est important. Comme il y a des gens qui traduisent mes cassettes verbatim. Alors moi, quand je parle pas toujours un français de France. Puis je veux pas non plus. Alors, ces textes-là doivent être édités, transformés, pour que plus tard, si ça sert à un niveau quelconque, si ça sert plus tard à faire des livres, que ça soit du matériel, que les gens à l'extérieur puissent le lire convenablement, parce que pour eux autres, ça deviendra de la philosophie, de la psychologie, de la conscience supramentale. Alors, s'il y a des gens qui veulent traduire mes cassettes ou des cassettes, j'ai pas d'objection. Il y en a d'ailleurs qui le font présentement aux États-Unis. Ça, j'en ai vu des traductions qui sont très, très bien faites. Très bien faites. D'ailleurs, il n'y a rien à changer dessus, c'est parfait. Mais dans le mode de la langue anglaise, les cassettes n'ont pas la même vibration que dans le mode de la langue française ou des autres langues. Qu'un jour, il faut que ça sorte, ça. Mais il faut que ça soit édité, il faut que ça soit réorganisé, parce que je serai pas là pour l'expliquer. Fait qu'il s'agit pas de que les gens lisent des choses qui ne sont pas lisables. Il faut que les gens puissent lire des choses qui peuvent être perçues d'une certaine façon intelligente par l'esprit de leur intelligence. Sans ça, ça crée simplement une réaction inconvenable. Donc, ceux qui veulent traduire des cassettes, allez-y. Et après ça, on tournera ça à Bessette. Il mettra ça sur sa voûte. En tout cas, je te dis qu'il fait frais aujourd'hui. Dans le nord, il y a de la neige, mon cher, comme ça. Ouais. Mais c'est beau. Quand est-ce qu'on fait un party? On a eu du fun à Noël, là. Ceux qui sont venus au party, là. Mais il faut la toffer jusqu'au bout. Mardi gras. C'est le fun de s'amuser un petit peu. Pas trop. Y a-t-il quelque chose, Amélie, que je parle? S'il y en a d'autres comme M. Bessette. Il y en a-tu d'autres comme M. Bessette? Avez-vous déjà vu deux hommes pareils, vous? Comprenez? La conscience de dauphin. Mais je t'en reparlerai de ça. Ça a changé. Je t'en parlerai tout à l'heure. Parce que vous pensez. C'est le fait que vous pensez qui crée le temps. C'est la pensée qui crée le temps. Éventuellement, quand on arrive à un certain niveau de vibration, même si on pense, on n'est plus prisonnier du temps parce que il vient un moment où nos pensées sont tellement élevées en vibration qu'elles ne... Écoutez bien ça. Elles ne créent plus de vibration dans le corps astral. Si vous pensiez et que votre pensée serait suffisamment jaune, parce qu'une pensée, c'est jaune quand c'est pur. Si c'était jaune, là, à ce moment-là, il ne se ferait pas de connexion avec votre corps astral, avec vos émotions. Et là, vous ne souffrirez plus du temps. C'est toujours la relation entre la pensée et l'émotion, l'émotivité du corps astral qui crée le temps. Alors, au fur et à mesure que votre corps astral s'ajuste, puis s'ajuste, puis s'ajuste, puis s'ajuste, que votre corps de désir, autrement dit, diminue et diminue, au fur et à mesure que le temps disparaît. C'est pour ça que le Bouddha, il disait, il avait raison, madame. Il disait, la souffrance de l'homme, elle est créée par ses désirs. Ce sont les désirs de l'homme qui créent sa souffrance. Quand on l'explique dans le cadre d'une psychologie moderne, on dit que lorsque les pensées de l'homme... Vous voyez, c'est subtil, ça. Je vais vous montrer les erreurs. Je vais vous montrer les erreurs de la pensée initiatique dans le passé. Pas les erreurs dans le sens que c'était pas vrai, ce qu'il disait, mais les erreurs dans le sens que c'était pas complet, ce qui était dit. Et c'était pas complet parce que ça devait servir dans un certain temps. Si le Bouddha avait dit aux hindous, s'il avait dit que ce sont les désirs qui sont à la base de la souffrance de l'homme, mais que les désirs qui sont à la base de la souffrance de l'homme ne sont pas purifiés parce que la pensée qui crée le désir est rattachée à l'émotion du désir. À ce moment-là, les hindous, au lieu de s'asseoir comme des niaiseux, auraient créé une belle civilisation. Mais en disant à des millions d'êtres, par le truchement d'une religion quelconque ou d'une philosophie, que les désirs sont à la base de la souffrance, tout le monde s'est assis sur son cul et il s'est rien passé. Tandis que dans le cadre de l'avancement de l'enseignement superimposé par une instruction qui couvre tous les aspects psychologiques d'un enseignement. L'homme peut avoir des désirs, c'est-à-dire qu'il peut vouloir des choses parce que ça fait partie de son intelligence, mais il n'y a pas d'émotion dans la chose qu'il veut. Alors le temps n'est plus, et l'homme peut continuer à façonner dans sa vie matérielle des conditions qui l'amènent à progresser matériellement au lieu de déprogresser matériellement. C'est pas le matériel qui est le problème pour l'homme, c'est son attachement émotif au matériel. Et ce n'est pas le fait que l'homme désire des choses qui retarde l'évolution de l'homme, c'est que lorsque l'homme désire, au lieu de que son désir soit la manifestation de son intelligence, son désir est la manifestation d'une pensée qui est rattachée à une émotion. Dans le désir conscient, si tu veux. Bon, je vous donne un exemple. Ça va plus vite. Souvent, l'intelligence va dire, dans 3 semaines, tu vas avoir besoin de telle chose. Tu vas avoir besoin d'un marteau. Dans 3 semaines, tu vas avoir besoin d'un marteau. Fait que dans 3 semaines, l'intelligence va t'amener, tu vas aller au magasin, tu vas avoir un marteau, tu vas l'acheter. Alors, à ce moment-là, c'est plus un désir inconscient. C'est même plus un désir. C'est plus attaché aucunement au corps astral. Ça devient une nécessité. Tu as besoin du marteau parce que tu vas planter des clous. Les autres connaissent ce que tu vas faire demain ou la semaine prochaine. Alors, c'est plus un désir dans le sens subjectif astral. C'est une nécessité. Il faut que tu l'aies le marteau, puis dans 3 semaines, tu vas l'avoir, puis tu vas aller chercher. Il n'y a plus de temps. Et à ce moment-là, tu es capable d'attendre 3 semaines. Parce que tu n'as pas besoin tout de suite. Ils peuvent te dire, dans 2 ans, tu vas avoir besoin d'un marteau. Mais si tu commences à fonctionner au niveau de ton corps de désir, puis avoir le désir d'avoir un marteau que tu ne pourras pas avoir avant 2 ans, c'est évident que tu n'auras pas la capacité d'attendre 2 ans. Tu vas te l'acheter tout de suite, tu vas te taper sur les doigts. Il va mal te servir, ton marteau. Les circonstances se créent au moment voulu. C'est pas nous autres de créer les circonstances. Les circonstances se créent et on enchaîne avec les circonstances. C'est ça l'intelligence. La différence entre l'intelligence et l'esprit de l'intelligence. Parce qu'au niveau de l'esprit d'intelligence, on peut toujours se convaincre de quelque chose. Mais au niveau de l'intelligence, tu peux pas te convaincre de rien. Tu es obligé d'attendre qu'elle passe. Puis quand elle passe pas, ben t'as la tête vide. Fait que tu peux pas rien faire quand t'as la tête. Tu peux pas aller t'acheter un marteau quand t'as la tête vide. Faut que t'aies la tête pleine d'une vibration pour t'acheter un marteau. Fait que si tu as une suspension d'énergie dans ton mental supérieur, tu peux pas t'acheter de marteau. Si d'un coup l'énergie descend, tu t'achètes un marteau. Mais t'as pas besoin d'être. L'homme n'a pas besoin d'être fusionné pour être libre du temps. L'homme en arrive à être libre du temps quand il en arrive à être libre de ses émotions, de son astralité. À ce moment-là, il commence à être libre du temps. Il n'y a plus de temps, à ce moment-là, il fonctionne, puis il vit, puis il s'occupe plus de demain, puis il s'occupe plus de la fusion, puis il s'occupe plus de la sixième race, puis il s'occupe plus des dauphins. Non, c'est pas ça que je veux dire, là. Je parle parce qu'il y a des gens qui s'occupent des dauphins en fonction de plus tard. C'est pas ça que je veux dire. Il s'occupe plus de demain. Il s'occupe de ses affaires, puis il s'aperçoit que sa vie est remplie à tous les jours. Il y a toujours quelque chose. C'est jamais plate. Il n'y a plus de temps, c'est jamais plate. C'est toujours quelque chose qui fonctionne. Mais là, t'es bien. Tu vis comme du monde. Mais ça, c'est fonctionner de plus en plus dans l'intelligence. Ou avoir un rapport de plus en plus près avec l'esprit de l'intelligence qui est suffisamment haut en vibration, en évolution, pour ne pas nuire à l'homme, mais lui faire réaliser des choses qui conviennent à sa réalité. C'est une inquiétude de votre esprit, ça. Vous n'avez pas besoin de vous rassurer si c'est un ajusteur de pensée ou si c'est un autre. Il s'agit de savoir si ça a du bon sens ou non. Tu sais si ça a du bon sens ou non quand tu reçois quelque chose dans ta tête? Non, c'est là votre erreur. Tu n'as pas besoin de savoir d'où ça vient du moment que ça a du bon sens. Si ça a du bon sens, que ça vient de n'importe où, ça a du bon sens. Fait que si ça a du bon sens, ça vient pas de n'importe où. Comment?